Wow! Original bad boy. Whoa, whoa, ay, balam, balam, balam, bam, whoa, whoa, ay, balam, balam, balam, bam, lay. Oh, wicked. Se jetant au visage les pires insultes et moi j'apprenais. Dans cette atmosphère de rêve nourrie de haine et d'eau fraîche, ma mauvaise graine planta ses racines dans la dèche. Très vite adolescent, je quittais la chaumière infernale. Dans la rue je trouvais l'environnement idéal. L'initiation à la voix noire ne fut qu'un jeu d'enfant. C'est fou ce qu'on apprend vite quand on a bon parent. Wow, wow, oh, hey. Attention, oh wow. J'ai eu mes diplômes de Kaira à la vitesse d'une balle. Mon goût pour les choses de la rue faisait scandale. J'ai cédé aux tentations pour m'en délivrer. Chaque fois davantage, le mal s'est installé. Je suis le monstre détaché qui cuisinera vos restes. L'éclair au chocolat, un peu indigeste. Je suis mauvais, je ne suis pas bon. Je suis ce qu'ils appellent un mauvais garçon. Je suis mauvais. Que j'y ai cru. Ils disent que je n'ai aucun égard pour l'humanité. Que personne n'est assez riche pour acheter mon passé. Pas d'excuses, pas pour en être arrivé là. Je vous jure que vivant ils ne mourront pas. Je veux finir comme King Kong, criblé par leurs balles. À moi, human, bon, mes profondeurs abyssales. Oh boy, attention, oh boy, boy. Pray that me don't go, pray that me don't do. Original bad boy. Original.